said all the Indian boys was all righty, and I was a zombie for you, little lady. Love and the cats can't hate. He's a shame in a drape. Shame in a drape. A shame in a drape. Shame in a drape. He's a shame in a drape. Shame in a drape. And you can dig that he is thinking. Hypermize a man for all his gold. Some say he's a hipster, and some say nix. But everyone's solid when it gets his kicks. He's a shape in a drape. Shape in a drape. He's a shape in a drape. Shape in a drape. A shape in a drape. Shape in a drape.

c'est aimer. Combien d'endroits vides sans toi, et de souvenirs qu'il faut détruire. C'est aimé. Combien de fois dire ton nom pour qu'il ne soit plus ton nom à toi. Il me fera vivre sans toi. Tour de cou. On peut prendre tomate mozzarella, Sacha. Et du gigot avec des pommes sautées. Hein, ça te dit? Coucou. 16,50. Ouais, non, trop petit. Oui, alors l'iPad, ouais. J'en ai un, mais elle a tout le temps avec elle. Ça, c'est pas à moi. On va vous prendre un tomate mozza en formule, et puis les jugos. Ah, pour deux personnes? Oui. C'est deux tomates ou deux gigots ou c'est une tomate et un gigot? Ah, tout ensemble, vous voulez dire? Non. Est-ce que je fais deux formules ou une formule? Ah, une seule. Voilà. Une seule. Pas de problème. Ça ira bien. Boisson? Ça va pour l'instant. Des petits papiers. Moi, je vais prendre de Perrier, s'il vous plaît. Et un Perrier. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est plus le temps. Hein. Es-tu prêt? Comment? Es-tu prêt? Ouais, c'est okay. Bon. Excellent. Pas de bruit, ma puce. Non, oh, mais c'est pas grave, tu peux bah, tu peux parler, non, dire bah, des choses, oh, oui, mais ben, oui. Pas de bruit parasite. Ah, bah ça crée un peu de bruit. On va concentrer sur ça. Marie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, ça va bien. Tu as commencé, est-ce que tu es parisienne? Est-ce que tu es née ici dans... Non, je suis née à Lyon. Et je suis allée à Lyon il y a quelques années, en 89. Ouais. On en monte des côtes. Il y a des beaux rochers, c'est exceptionnel. C'est un beau paysage. Ouais, on a des beaux panoramiques. Ouais. Il y a la Croix-Rousse, notamment. D'ailleurs, j'ai passé mon adolescence là-bas. Pas mon enfance, mais mon adolescence. À la Croix-Rousse, et je suis restée jusqu'à mes 25 ans. Et c'était une belle expérience parce que j'étais bien dans mon petit village, qui est quand même une grosse ville, mais qui a fait que tu as voulu faire un métier un peu moins commun que les autres, c'est-à-dire plus difficile aussi? Parce que la majorité prennent le sentier le plus défriché, non pas le plus complexe. Est-ce que c'est un appel à jouer? Est-ce que c'est un appel à transgresser ce que tu étais? Est-ce que c'est une curiosité? Alors, ben, bizarrement, je suis d'une famille... Oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est une vraie question. Je suis née dans une famille d'artistes. Mon père est musicien, ma mère est comédienne. Alors, est-ce que c'est transgressif que de faire comme eux? Je ne crois pas. Justement, je me suis d'ailleurs posé la question en me disant, est-ce que c'est vraiment moi qui ai choisi? Parce que très tôt, je voulais être danseuse, toute petite. Classique? Oui, j'étais complètement obsédée par la danse. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? La musique, le corps, la beauté des gestes, le fait de se montrer, d'être vue. J'aimais beaucoup ça. D'ailleurs, toute petite, dans les mariages en Belgique, dans ma famille, je me rappelle, je faisais le show. Ils me donnaient plein de billets, j'avais ramassé plein de billets, j'avais 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Enfin, j'aimais beaucoup ça. Et donc, du coup, j'ai fait de la danse. Et j'ai fait le conservatoire de Fourvière, de Lyon. Donc, j'ai vraiment une formation classique. Et de la musique parallèlement aussi, du solfège, etc. Mais ça, c'est dû aux parents qui t'ont presque... C'est moi qui voulais être danseuse. Je trouvais que ça alliait bien les deux, entre le théâtre et la musique. C'était un compromis entre les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 7-8 ans, je ne sais plus, je passais les grades, les épreuves, les concours de fin d'année. Et une année, ils n'ont pas voulu me faire passer en classe supérieure. Donc ma mère, catastrophée, va voir la prof, ben justement, elle lui demande qu'est-ce qui se passe, et la prof dit « je ne comprends pas, c'est une de mes meilleures élèves ». Et en fait, c'est des écoles entre elles qui choisissent, prennent les élèves par rapport à « tu m'as pris tant d'élèves, je te prends tant d'élèves ». Et en fait, la raison officielle, c'était que j'étais trop petite. Trop petite de taille. Donc j'avais une taille trop petite. Et du coup, ma mère m'a fait faire des examens, des os, des dents. Et ils ont estimé ma taille à 1m65 à peu près. D'ailleurs, ils se sont trompés parce que je mesure 1m53. Mais donc, elle est allée voir le directeur avec ses papiers. Le directeur a commencé à lui faire sous-entendre que peut-être il y avait possibilité qu'ils allaient me faire passer en classe supérieure. Et ma mère a été tellement dégoûtée du système qu'elle m'a inscrit à un cours de théâtre en me disant « tu feras du théâtre ». C'est beaucoup mieux. Tu fais du théâtre, ma grande. Voilà, ma grande petite. Sachant que ma tante est... Parce que chez nous, il y a une expression de... Ok, vas-y, ma grande. Si c'est pas la grande. Oui, c'est ma grande. Et il y a une autre raison, c'est que ma tante a une grande école de danse. D'ailleurs, j'avais commencé la danse avec elle quand j'étais petite. Et chaque année, elle fait un spectacle de danse au TNP de Lyon, qui est une énorme salle, avec tous ses élèves, près de 400 élèves, je sais pas combien elle en avait. Et c'est mon père qui présentait le show. Et moi, comme les premières années, je faisais partie des petits rats, j'avais présenté avec lui. Et en fait, pendant le spectacle, tout doucement, je me suis vraiment révélée. Et d'ailleurs, j'ai terminé les présentations toute seule. Il m'envoyait toute seule sur scène. Donc cette expérience-là, plus l'expérience malheureuse du conservatoire, ont fait que je me suis retrouvée dans une classe de théâtre, TH Métro Atelier à Lyon. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, 7-8 ans, je ne sais plus exactement. Et très tôt, à 12 ans, j'ai l'opportunité de jouer dans une création à Lyon, au Théâtre de la Plate. Et j'ai joué une saison entière, pendant 3 mois, professionnellement. Donc ça a été ma première expérience professionnelle à 12 ans, avec Christian Capezone, sur un chansonnier lyonnais qui s'appelle Pierre Dupont, qui est un chansonnier révolutionnaire. Et voilà, j'avais un petit rôle, enfin... J'étais après, là. Ça racontait son histoire. Exactement, son parcours, son histoire, ses périodes. Et un anarchiste. Un anarchiste, exactement. Révolutionnaire. 1789. Est-ce qu'il est encore chanté? 1848. C'est pas 1789, c'est 1848, la République de Pierre Dupont. C'est les naissances de la République. Il est encore chanté, il est connu par les spécialistes, on va dire. Ouais. Mais. c'est un Lyonnais qui a marqué l'histoire de Lyon, parce que les Lyonnais sont plutôt des rebelles. Est-ce que ça sortit de Lyon ? Oui, oui, à Paris, jusqu'à Paris. En France, il a fait des tubes, dont à l'époque, Les Deux Grands Bœufs, ça s'appelle. Okay. C'est une chanson sur les paysans qui ramenaient les bœufs au roi. Et sur la misère de leur vie, quoi. C'est de la musique de paysans, c'est-à-dire ça raconte l'histoire des paysans. Oui. Des gens qui... oui. Oh, oui. Et des canuts aussi. Ok. Parce qu'à Lyon, il y a comme la tradition. Gaston Couté. Oui. Oui, oui. Ah, c'est ça. C'est genre, ce genre de chansonnier. Est-ce que c'est la même époque ou Ben 1700. Non, Couté, je me semble que c'est plus récent. Hein? C'est quoi, 1749, la République de Pierre du Pont. Je crois que c'est 1700. Ouais, c'est 18e siècle, quoi. Mais c'est quand même assez étrange lorsque tu réécoutes ce genre de chansons-là ou lorsque tu lis les textes, ça n'a pas trop changé. Non, ouais. Ça n'a oui. pas trop changé. Il y a des chansons, une chanson qui s'appelle « Ça branle dans le manche ». Bon, maintenant, ça fait un peu bizarre. Non. L'expression. Vous, c'est une expression. Oui, « Ça branle dans le manche ». On le dit souvent, ça. Ouais, ah ouais. Ouais. C'est des vieilles expressions. « Ça branle dans le manche », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. Et c'est une chanson révolutionnaire. Voilà, donc j'ai baigné là-dedans et j'ai fait 3 mois ou 4 mois au Théâtre de la Plate. À la suite de ça, ben là, c'était parti. Je savais ce que je voulais faire. Mais qu'est-ce qui a fait que la Lyonnaise décide de partir de... Oui, alors j'ai mis longtemps à me décider. Hein. J'avais peur, j'avais beaucoup d'amis qui étaient partis à Paris. Moi, je travaillais bien à Lyon, j'ai travaillé dans plein de cafés-théâtres à Lyon, des trios. Mais c'est riche quand même au niveau artistique. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un peu fait le tour. Ouais. C'est un peu toujours les mêmes. Okay. Alors ça, c'est chouette pour travailler. Donc j'ai vraiment travaillé beaucoup dans les cafés-théâtres, comédies, voilà. Mais au bout d'un moment, effectivement... On ne peut pas progresser. Voilà. Ouais. On ne peut pas aller plus loin. Moi, à 16 ans, j'avais arrêté l'école. Okay. Je ne voulais plus aller à l'école. C'est ton côté anarchiste, c'est ton... Oui. Abraham, you rock my soul in the bosom of Abraham, Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Well, you rock my soul in the bosom of Abraham, you rock my soul in the bosom of Abraham, you rock my soul in the bosom of Abraham, Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Well, the rich man lives. Why don't you praise King Jesus? And he lives so well. Why don't you praise the Lord? But when he dies, why don't you praise King Jesus? Got a home in a hell. Why don't you praise the Lord? He said, see yonder sun, see how fast does he run? Don't you never let it catch you, bitch. You're worth undone. Well, the rich man lives. Well, he lives so well. Well, but when he died, I got a home in a hell. I said, Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Why you rock my soul in the bosom of Abraham? You rock my soul in the bosom of Abraham. You rock my soul in the bosom of Abraham. Lord, you rock my soul. Why don't you rock my soul? Well, the poor man lies. Why don't you praise King Jesus? As poor as I. Why don't you praise the Chittle Lord? And when he dies. Why don't you praise King Jesus? Got a home on a high. Why don't you praise the Lord? He said, see yonder sun, see how fast does he run? Don't you never let it catch me, so you're welcome done. Well, the poor man lies, as poor as I, children, when he died, got a home on high, hurting. Lord, you rock my soul, why don't you rock my soul? Well, you rock my soul in the bosom of Abraham, you rock my soul in the bosom of Abraham, you rock my soul in the bosom of Abraham, Lord, you rock my soul, why don't you rock my soul? I'm all alone, so come on home, baby, right now, come on home. Right now. Come on home. I'm all alone, come on home. So come on home, come on baby, right now, come on home. Right now. Come on home. Well, now don't fool around, honey, don't you let me down. Come on home, come on home. I want a thrill, I need a chill, baby, right now, right now. I want a thrill, I need a chill, baby, right now, right now. Don't fool around. Come on home, oh, if there's something to do, I do it. And when there's some place to go, I go. And when I put my loving arms around you, watch how you know that I love you so. Whoa, oh, I wanna dance. I need romance, baby, right now, right now. I wanna dance. I need romance, baby, right now, right now. Well, now don't hesitate, baby, don't you be late. Come on home, come on home. And when there's some place to go, I go. And when I put my loving arms around you, watch all, you know that I love you so. Whoa, I wanna dance. I need romance, baby, right now, right now. I wanna dance. I need romance, baby, right now, right now. Well, now don't hesitate, baby, don't you be late. Come on home, come on home, come on home, come on home, come on home. Come on, come on, come on, come on, come on. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Well, I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Carry me home. Well, if you get there before I do, coming for to carry me home. Tell all of my friends that I'm a coming too. I'm coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me. Carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot. Coming for to carry me. Carry me home. Coming for to carry me home. Oui, et c'est vrai que j'ai gardé ce côté un petit peu anarchiste, libertaire. Ouais. Bon, ça m'a passé un petit peu plus. Ah, mais il y a un enfant, ça. Oui, ouais. C'est vrai que ça calme un petit peu. Ça réduit la... Ben, on est obligé de se dire, il faut cadrer, il faut que je trouve quelque chose de plus structuré. Mais est-ce que c'est difficile de cadrer lorsque toi, tu étais contre ce cadrage-là? Ben, justement, tu vas voir qu'après, j'ai essayé de rentrer dans le cadre. Ça a été plutôt une catastrophe. Et maintenant, je me dis, je suis comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Exactement. Mais c'est ça, c'est surtout le reflet des autres qui nous dérange. Hein. Mm. Oui, puis on a envie d'être comme les autres aussi des fois. Mais c'est réconfortant d'être comme tout le monde. Dans le temps, est-ce qu'on évolue vraiment ou est-ce qu'on suit de très en âge? C'est ça la question. Ouais, ouais. Et Mais disons la que... lyonnaise, oui, vas-y. Oui, alors donc du coup, moi à 16 ans, j'avais arrêté les cours. Mais un jour, je travaillais dans une radio aussi. J'ai fait des chroniques sur les spectacles de Lyon. Une radio libre. Oui, c'est régionale. Arc-en-ciel, radio arc-en-ciel, une petite radio locale à Rieux-la-Pape. Et c'était bien parce que je recevais plein d'artistes comme toi. Qui venaient en tournée et qui s'arrêtaient chez vous. Oui, qui font de la publicité ou des Lyonnais qui venaient faire leur promo. Et du coup, j'allais voir beaucoup de spectacles. Et puis le soir, je travaillais dans le café-théâtre, dans les théâtres de Lyon. Donc cette année-là m'a permis aussi de me faire une formation pour passer un équivalent du bac, parce que j'avais appris qu'à la fac, il existait art du spectacle théâtre. Et là, je me suis dit, d'accord. C'est beau comme titre, assez attirant pour quelqu'un qui veut... Exactement, je me suis dit, ça, il me le faut absolument, ouais. Parce que ça n'existait pas avant. Et donc, je me suis dit... C'était, oh là là, ça c'est une bonne question, en 93 peut-être. Ok. Ouais, quelque chose comme ça. Sachant que j'avais fait des prix, hein. J'avais eu des prix sur des festivals, j'avais fait des one, j'avais écrit des choses. Vraiment, j'étais très active artistiquement. Et du coup, j'ai aussi passé l'équivalent du bac, je l'ai obtenu, et j'ai fait un DUG en art du spectacle. Et je suis montée à Paris pour faire ma licence. Okay, voilà, ça a été mon prétexte, entre guillemets, parce que j'en avais envie, mais j'avais un peu peur de me faire bouffer par... Ouais. Par les retours, on me disait que c'était compliqué, donc j'avais un petit peu peur de... Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Non, mais il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, mais très peu de travail. Donc, non, il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de compétition, justement. Il y a beaucoup de gens qui, même, ça, qui n'ont pas d'expérience, qui veulent faire ça. Okay, qui n'ont pas d'expérience. Et qui sont à l'école et qui veulent, qui se disent « je suis comédien ». Et pour un rôle, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur le poste. Et voilà. Et donc, je suis venue et je me suis dit, je vais aller voir, là en cours, j'étudiais des penseurs, et là je vais aller directement dans leur cours, prendre le savoir à la source. Et ça a été génial, hein. J'ai vraiment adoré, j'ai eu ma licence tout de suite en 2000, je suis arrivée en 2000. Et ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait des voix, etc. Et j'ai eu ma petite, donc il y a 9 ans de ça. Et quand j'ai eu ma petite, je me suis dit, j'étais toujours intermittente, donc j'ai fait d'autres projets, j'ai écrit des pièces, etc. Mais quand je l'ai eu, je me suis dit, bon, mère célibataire, intermittente du spectacle. Je vais repasser un concours pour enseigner, pour faire quelque chose. Et du coup, j'ai passé le concours pour être professeur des écoles. Pendant que je touchais mes acidiques, j'ai fait cette formation, je l'ai obtenue. J'ai bien travaillé, je l'ai obtenue. Et pendant 4 ans, j'ai tenté d'être titularisée par l'Éducation nationale dans le 93. Et chaque année, j'étais refusée. Mais ils me reprenaient l'année d'après pour travailler sans problème. Les élèves, ça se passait très bien. Et en fait, en gros, l'idée, c'était que officiellement, je ne cadrais pas. Et officieusement, ils me disaient, vous êtes comédienne, vous avez un gros CV de comédienne. Pourquoi vous voulez être instite? Est-ce que vous êtes vraiment faite pour ce métier? Et moi, mon optique, c'était de faire les deux, parce qu'en tant qu'instite, on peut avoir des activités artistiques légalement, et d'être auteur ou de jouer, tout en, bien sûr, ça demande beaucoup de travail, mais bon, à mi-temps, ça aurait pu être faisable. Et en fait, ils m'ont dit qu'en fait, le problème, c'était moi. C'était moi le problème, donc j'essayais de comprendre. J'en ai un peu souffert d'ailleurs, alors qu'avant j'en étais très fière et que je cherchais justement à être un peu originale, différente. Mais du coup, c'était même pas fabriqué, c'est que j'étais comme ça et que j'ai compris que c'était moi qui étais comme ça et que c'était pas moi qui voulais être comme ça. Et là, j'ai essayé de cadrer et bah non, j'ai souffert. J'ai été très malheureuse. Mais t'as quand même enseigné. Et j'ai enseigné 4 ans, les enfants adoraient ça. Ils m'ont dit, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut, très bonne culture générale, vous structurez très bien vos cours, etc. Mais c'était mon rapport aux enfants qui était trop égalitaire. Okay. Je les considérais comme mes pères, okay. Alors que non, il fallait une autorité qui venait d'en haut, un adulte. Oui. Oui. Quand on rentre dans la classe, on dit, mais elle est où la maîtresse? Oui. J'étais avec les enfants, quoi. J'étais avec eux. Comme disait Artaud, il faut rester au même niveau, il faut faire du théâtre avec les spectateurs. Oui. Faut, oui, oui. Il faut arrêter de sacraliser les choses. Ouais, ouais. Mettre une distance comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je trouvais le système très contraignant physiquement. Parce que sachant que j'ai fait beaucoup de théâtre, enfin, à la fac, j'ai commencé à toucher un peu au théâtre du mouvement avec Claire Egan, Yves Marc, à une autre forme de théâtre. Par exemple, je cherchais des cours pour me former. J'ai fait beaucoup de stages, mais là, je cherchais vraiment un cours. J'ai fait cours Simon, studio Alain de Bock, cours Florent. J'ai essayé plein de cours. Je ne voulais pas y rester parce que c'était trop du commentaire de texte. Voilà, c'était de la littérature. Alors que il y a d'autres formes de théâtre qui est vraiment basée sur la sensation, le corps, le ressenti. Aux États-Unis, Actors Studio, tu connais? Oui, bien sûr. Bon, alors c'est beaucoup plus que tu recherchais, toi. Alors justement, l'Actors Studio, c'est Stanislavski, oui. C'est une certaine méthode, mais moi j'étais plutôt inspirée par son élève disciple okay. dissident. Oh, oui, qui a divergé. C'est ça, Grotowski, okay. qui a plus été cherché dans, justement, dans la forme. Et comment la forme donne l'émotion. Okay. C'est un petit peu le sens inverse que l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'était plus chercher à l'extérieur comment ça bougeait. Et puis, c'est vrai que la danse, je trouvais ça intéressant, tout ce que dit le corps et que ne dit pas le mot. Quoi. Je trouvais ça vraiment parlant beaucoup plus fort. C'est très complémentaire. Oui. Et que des fois, il n'y a pas besoin de mots. Que juste un silence. Le bois danse, voilà. Ou un mouvement peut exprimer beaucoup plus qu'une grande phrase. Une petite phrase d'ailleurs. Et donc, j'ai fait tous ces cours et je suis arrivée à un cours de danse, encore une fois, danse contemporaine, qui m'a amené à un cours d'aïkido. Et l'aïkido, j'ai trouvé ça formidable, j'en ai fait 10 ans, parce que... Est-ce que tu peux être... est-ce qu'il y a des ceintures? Oui, j'ai le troisième Q. J'ai une... Noir. Oui, c'est un petit peu... Bon, j'ai pas passé le cap de... Mais j'ai le hakama, quoi, okay. Voilà. J'avais la okay. robe... J'ai commencé à rentrer un petit peu dans le sujet. Et en fait, l'aïkido, c'est le rapport à l'autre, le contact, et comment gérer les conflits, comment c'est une philosophie, quoi. Comment intégrer l'autre et être en contact, quoi, à deux, comment on peut créer quelque chose. Et vraiment, ça a été formidable pour moi, et je trouvais que c'était une vraie formation interne pour un comédien ou un acteur. Voilà, et c'est marrant parce que mon prof de clown actuellement a fait énormément d'aïkido aussi. C'est un homme ou une femme? Ah oui, c'est un homme, il s'appelle Fred Robb. Okay. C'est un monsieur qui dirige le théâtre du Faune et qui est un super prof de clown que je suis depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui? Parce que là, tu as fait de la danse, mais tu t'es intéressé au clown, pourquoi? En fait, j'y suis. Tu connais venue... Emma Laclone? Oui, oui, oui, oui. Je l'ai rencontré il y a 4 ans. Une vidéo, là, ouais. J'ai regardé. C'est très drôle. Ben, le clown, c'est parce que je fais beaucoup de comédie. On me l'a souvent dit. On m'a souvent dit, t'es clown. Ah ouais, ouais, aussi, on est clown de la famille. Ouais, il y a quelque chose de clown. Et puis, j'aime que ça, moi, j'aime pas les. Enfin, je trouve ça formidable ce que font certaines pièces, etc. Mais la tragédie. Les trucs trop sérieux. Moi, j'aime quand le public rit, quand il y a un retour direct. J'aime c'est la chaleur. Belle page, c'est une belle oui. Que tu reçois, le rire. Complètement, c'est ça. C'est ouais, ouais. C'est jubilatoire. C'est bien. Et mais Chaplin en était un merveilleux. C'est du rire au larmes. Charlie Chaplin, oui. C'est du rire au larmes. Tragicomique. Et c'est aussi la gauche. Le côté humain et gauche. Donc, c'est de montrer aux gens que le clown, c'est malheureusement quelqu'un qui voudrait bien faire, mais qui n'est pas capable de et faire. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est ses défauts qu'on montre. Est-ce que tu connais Sol? Non. Marc Fabeau, un Québécois. Sol? Oui, qui est un clown. Ouais. Qui faisait des spectacles en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Marc Fabeau. D'accord. C'est le comédien qui personnifiait ça. Et lui, c'est dans l'oralité, dans les mots. D'accord. Parce qu'il y a des clowns gestuels, oui. Le geste. Mm-hmm. Mais est-ce que tu vas manger? Non, mais ça va, t'inquiète pas. Faut bien que je vive, moi je vends les citrons de Tel Aviv. Je circule, je m'arrête, quand je peux je m'installe à la sauvette. Toujours sur le qui-vive, moi je vends les citrons de Tel Aviv. Tandis que Mustapha déballe ses oranges de Jaffa. Ali vend pour gagner sa vie de figues de barbarie. Tandis qu'Ahmed Kelfan propose des régimes entiers de bananes. vide. Le matin j'arrive et je vends mes citrons de Tel Aviv. Ils sont beaux et judiennes, ce sont le seul garanti sans pépin. On m'a dit que les dates c'était plus facile et que les ananas se vendaient par mille. Il paraît que la noix de coco en tranche ça rapporte gros, et qu'avec le fruit de fondu on gagne encore plus. Moi je choisis pour vivre de vendre les citrons de Tel Aviv. Mais je suis à Paris et Paris c'est si loin de mon pays. Cependant il m'arrive en vendant les citrons de Tel Aviv de rêver au ciel bleu, ce ciel de je m'ennuie toujours un peu. Mais je n'ai pas laissé que ça en partant de là-bas. J'ai laissé un garçon que j'aime et qui voudrait me donner son nom. Un jour fuyant la ville, j'irai le retrouver le cœur tranquille. Près de ce joli rive où poussent les citrons de Tel Aviv. One sweet tune from the land of Israel. Shack, black, me, Shack, the Bendigo. Took a little trip to the land of Babylon. Shack, black, me, Shack, the Bendigo. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shack, black, me, Shack, the Bendigo. He took a lot of gold and made him an idol. Shack, black, me, Shack, the Bendigo. Then he told everybody when he heard the music of the cornet. Then you got to bow down and worship an idol. Shack, back to me, Shack, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shack, back to me, Shack, Abednego. You couldn't fool them with the golden idol. Shack, back to me, Shack, Abednego. I said you couldn't fool the children with the golden idol. Shack, back to me, Shack, Abednego. Then the king put the children in the fiery furnace. Shack, back to me, Shack, Abednego. Then he heaped on the coal with red hot brimstone. Shack, red God. Made it seven times hotter, hotter than it ought to be. Shack, back to me, Shack, Abednego. Even burn up the soldiers the king had put there. Shack, back to me, Shack, Abednego. By Shadrach, Meshach, Abednego. Then my God sent down an angel, boy, he gave him a couple of wings. He went strutting down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy, they went strutting right through the fire. Just laughing and talking about the power of the gospel. Shack, back to me, Shack, Abednego. Boy, Shadrach, me, Shack, Abednego. Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shack, rack, me, Shack, Abednego. Boy, Shadrach, me, Shack, and Abednego. Pour l'instant, à la ligne, nouveau paragraphe. Retenir les choses est invraisemblable. À ce piège-là, suis imperméable. J'aime le soleil sur le dérivière. Ça fait des étoiles très involontaires. Je suis la volute, la fumée dansant. Ma trajectoire se lit dans les fables. Nos plus beaux présents sont des golfes clairs et insaisissables. Nos plus beaux présents, ce n'est que pour l'instant. Pour l'instant, dit le philosophe. Pour l'instant, joli titre toujours faisable. Et refaire à deux le château de Sable. Chaque fois l'amour change de lumière, mille façons de mêler nos frontières. Dans ce grand lit là, tout est important. Dans ce grand lit blanc, rien n'est impensable. Quand je te caresse, c'est avec du temps, frisson délectable. C'est avec du temps. Sulla montagna, solo come un cane, solo con noi. Ripeti un po' le tue parole, non vorremmo sbagliare. L'amore, la pace, la carità. Siamo i soli distributori autorizzati. Ok, c'est dans le gestuel, c'est dans. Et mais ça, lui, c'est dans le langage. C'est un pauvre homme qui voit les adultes, mais dans son monde incapable, il est incapable de vivre avec les autres et il voit le privé. L'autre point de vue, peut-être plus. Comment dire? C'est un enfant de 60 ans qui, et c'est ça la beauté. Il monte sur scène avec une longue veste, puis dans sa veste, il y a des poches, il peut sortir plein de choses, une sandwich, et il racontait des belles histoires avec des métaphores exceptionnelles, le fait de prendre les mots et de les retordre, de leur donner une autre direction. Et ça fait rire autant les enfants que les adultes. Oui. C'est ça l'intérêt du clown, c'est de laisser aller notre cœur d'enfant. Exactement. Et de descendre un peu ou de monter dans un autre univers. Et c'est ça toi, que le clown t'a apporté. Bien sûr. Mais les mots aussi, j'aime ça. Hein. Je ne sais pas que j'aime pas le verbe et les mots, mais c'est que je trouvais le théâtre trop littéraire, en fait. Et d'ailleurs, à la fac, parce que j'étais à la fac aussi, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu envie de faire plus dans le théâtre du mouvement, aller vers cette école-là, quoi. Et donc le clown, j'y suis venue par un ami qui s'appelle Papy, Alain Degois, qui a... Papy. Oui, ouais, oui. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un découvreur de talent, improvisateur. Donc je suis allée à l'impro et puis il m'a conseillé de faire du clown. Aimes-tu l'improvisation ? Oui, oui, j'en fais, j'en pratique. Selon les normes du Québec ? Oui. La LNI ? Oui, enfin le match d'impro, ouais. Classique, puis les cabarets. Sur la patinoire ? Alors oui, j'ai fait des matchs sur patinoire avec arbitre, MC. Tu sais d'où ça vient, tu connais l'histoire ? Oui, oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, j'ai un atelier d'impro type québécois. Gravel, ouais. Celui qui était l'investigateur. Mmh. Ok, parfait, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Et toi, tu étais quelle couleur dans ton groupe? Parce qu'il doit y avoir plusieurs couleurs. Ah non, on fait pas les couleurs, en général, les couleurs. Okay. C'est des numéros, enfin des noms derrière. Ouais, tu représentes quoi? Qui? Ah! Alors, j'ai une troupe qui s'appelle Les Intermédiaires. Ok. Donc, c'est professionnel? Cette troupe-là, non. Hein? Mais justement, je vais avec eux parce que j'aime jouer. Et ça m'entraîne énormément, okay. Ça m'apporte énormément okay. Pour mon clown, pour mes écritures, pour tout quoi. Pour mon travail de comédienne d'ailleurs. Et les intermédiaires, et j'ai eu la chance de jouer avec les Traits d'Union, et qui est une grosse équipe très très talentueuse. Les Bonnets également, qui m'ont invité quelques fois à m'entraîner avec elles, et puis à jouer de temps en temps avec elles. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais fait leur première partie une fois, parce que je fais des chansons aussi, des petites chansons, et justement, les mots, là, à ce moment-là, je travaille le son, les mots, j'aime bien cette approche-là musicale. Toujours comédie, hein, toujours dans la comédie. Et j'avais fait leur première partie à l'entrepôt, et du coup, elles m'ont invité à jouer avec elles en impro, etc. Voilà. De fil en aiguille, les choses, elles se font comme ça, en fait, à chaque fois. Et pourquoi je te parle de ça ? Ben parce que tu parlais de... Tu fais d'improviser. Ah, le clown. Ouais, le clown. Ouais. Et donc, papy m'a dit, il faut absolument que tu fasses du clown. Et on a fait un stage à la ferme de Triel. Okay. Là-bas, j'y étais déjà allée sur le théâtre du mouvement avec Claire et Yves Marc. Et là, c'était avec Paul-André Sagel, qui est un maître clown, type traditionnel. Et donc, j'ai une formation et j'ai appris... Non, je vais la finir. T'inquiète pas. Et j'ai appris donc les bases du clown. Et ensuite, ça m'a donné envie de continuer. J'ai fait une formation à FDAS avec Fred Robb au Théâtre du Faune à Montreuil. C'est à côté de chez moi. Et là, je reprends ma troisième année avec lui parce que c'est génial, ces ateliers. C'est de l'impro et on travaille des choses. Et après, j'écris chez moi. Donc, dans l'improvisation, c'est sans doute la liberté. Alors la liberté, ça peut être paralysant parce que quand un chant ça est... Pour quelqu'un qui... Disons que la liberté n'existe pas sans la limite. Donc sur scène notamment, même en impro, tu peux voir qu'il y a toujours une contrainte. Et la contrainte permet cette liberté-là justement. Parce que si c'est trop en liberté, il n'y a plus de sens en fait. On devient un peu fou quoi. Et le clown, il a la liberté... Mais sa limite, c'est lui, enfin, c'est lui-même, sa propre limite. Exactement, c'est ses capacités, son incapacité qui crée la limite. Exactement. C'est ça, un clown, c'est quelqu'un qui est plein d'imperfections. Oui. Mais c'est nous. Et c'est sa richesse. Ouais. C'est ça qui est chouette. Ouais. Et je trouve que c'est plus subversif, moi. L'humour, c'est plus fort. Ça peut aller plus loin et le message est plus fort, moins moralisateur, moins. Ça responsabilise les gens qui en rient, justement, de se dire, vous en riez maintenant, après coup, on y réfléchit. Et je trouve que ça a plus de portée. Mais le club peut aller plus loin grâce à ça. Mm. Il peut aller plus loin dans le discours, parce que c'est juste un club. Ah oui, alors lui, il est limite. Mais comment il s'appelle ton club? As-tu forgé un... Non? Alors, on m'a baptisé. Okay. J'ai eu deux noms, ouais. Okay. Parce que c'est le nom qu'on me donne. Okay. Le premier, c'était Al Dente. Donc, comme les pâtes. Comme les pâtes, côté italien. Il faut savoir que j'ai des origines italiennes et corses. Et le deuxième, Robert, parce que j'ai mon côté... Est-ce que tu connais la chanteuse Robert? Non. Okay. Je vais noter tout ce que tu me dis. Non, mais la chanteuse Robert... Je vais aller voir tout ça. Ce qui l'a bloqué, malheureusement, c'est qu'elle est arrivée au même moment que Mylène Farmer. Ah! Et au même moment que Jeanne Masse. D'accord. Et elle travaille encore, mais ça va pas comme elle voudrait. Oui. Ouais, pas facile non plus. Elle est québécoise? Non, elle est française. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ah. Robert. Robert. Oui. Ah, c'est chouette. Oui. Oh oui, c'est assez spécial. Donc, toi, l'intérêt du clown, c'est ça, c'est de dire des choses que le comédien ne pourrait pas dire. Oui. Puisque il serait jugé. Le clown, on ne peut pas juger un clown. Ça en est un. Oui. Et en même temps, est-ce qu'on a des... On dit arrête de faire le clown. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Malheureusement, on juge les clowns, on les... Oui. C'est, disons que c'est pas très... C'est pas clair, hein? Il y a des gens qui adorent et d'autres qui détestent. Et moi, ce qui m'a plu, c'est justement que je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. On trouve quelque chose, puis après on passe à autre chose, puis après on passe à autre chose. C'est un petit peu notre époque. On zappe, on essaie de diversifier, puis au final, il n'y a pas vraiment de sens. Et là, je me suis dit, on trouve une chose, et une seule chose, et on l'étire au bout du bout de ce qu'on peut faire. Ouais. Et là, on voit le... Et d'ailleurs, ça ouvre à autre chose derrière. Ouais, ben oui. Et du coup, ça, voilà, on découvre quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, l'autre versant. C'est la surprise. Et même soi, des fois, en impro, on ne sait pas où on va. Non, c'est ça. Bon, Fred nous guide, et le clown va au bout, et ouais. C'est génial. Ouais. Et on s'est rendu, on est en haut. On n'est pas ici pour rien, c'est ça. L'intérêt, c'est de se reprendre nous-mêmes. Et dans le travail de comédienne, est-ce que c'est ce qui te plaît de se reprendre toi-même? Oui, bah oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Alors, c'est sûr que c'est plus sécurisant de faire ce qu'on connaît, d'être sur ces petits papiers, ces petits repères. Mais en fait, moi, je voulais me mettre en danger. C'est pour ça que j'ai fait de l'impro, parce que les premières fois, c'était horrible. Un comédien qui commence à faire de l'impro, c'est très, très paralysant. C'est... Oui, parce que l'école, elle ne t'apprend pas à ça. Non, au contraire. On te cadre. Oui. Et là, c'est pour ça qu'on te dit, vas-y. Oui, là, c'est waouh. Et puis, il faut faire avec les autres, il faut être en écoute. J'avais peur de mal faire, de faire des fautes. Enfin, c'est très codifié, en plus. Il y a beaucoup de fautes. Et en fait, petit à petit, on prend confiance. Et c'est vraiment une autre partie de soi qu'on travaille, en fait. Et je pense qu'il y a des comédiens, c'est autre chose. On n'est pas forcément un bon comédien, on n'est pas forcément un bon improvisateur. Et l'inverse aussi. Mais c'est un autre outil qu'on enclenche, quoi. Et tout ça pour dire que ça a été génial. Et moi, je me mets en danger. J'aime bien me mettre en danger. C'est ça l'improvisation, c'est de jamais savoir où on va. Mais lorsque tu fais des chansons et que tu entrecoupes de textes, le plaisir pour toi et la facilité et le jeu que tu fais d'improviser. Alors, musicalement, j'ai. Non, mais après les chansons, tu peux enchaîner sans trop savoir où tu t'en vas. Donc, c'est ça le plaisir. C'est en ayant acquis d'autres façons de proposer le jeu, ça peut te rapporter lorsque tu fais une autre activité qui est celle de la chanson. C'est-à-dire que c'est des écoles différentes, mais lorsque tu te consacres à la chanson, tu vas puiser dans toutes tes connaissances. Oui. Tu peux même faire du clown sur scène. Mais c'est ça, c'est le cas. C'est le cas parce que je parle aussi beaucoup, je fais des liens. Et puis j'improvise évidemment ce qui se passe dans la salle. Oui. Et j'ai pas peur, j'aime bien. Au contraire, j'aime quand le public il est avec moi et qu'il réagit. Et quand il arrive des choses aussi, c'est ça qui est génial. Ça, c'est du pain béni. Hein. Bien que ces vaches de bourgeois. Bien que ces vaches de bourgeois nous appellent des filles de joie, nous appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Parole, parole. Même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles. Parole, parole, c'est fatigant.

je veux jouer de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Pas du hautbois, de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Eh bien, y a ton ami Élie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux pas jouer avec lui, non maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Ah, tu m'énerves. Ah, c'en est trop. Tiens, pom, pom, pom. Top, il tombe là. Il voulait jouer de l'hélicon. Pom, pom, pom, pom. Con, con. Oh, con. Oh oui, c'est ça. Il arrive un truc. Oh là là. Est-ce que ça t'arrive souvent, ou quelquefois, lorsqu'il arrive un événement devant public, de le reprendre, même si ça n'arrive pas, de faire semblant que... Parce que tu as trouvé la ligne était bonne. En comédie, on peut se le permettre. Après, ça dépend de la pièce, etc. Mais moi, je sais que j'ai tendance à improviser, ce qui peut déstabiliser mes partenaires. Et ne pas reprendre ce que tu viens d'accepter la soirée, la veille. Tu sais, il y a des punchs, des choses qui peuvent arriver. Oui, c'est ah non, non, il faut pas, il faut absolument en tenir compte. Okay. Absolument. Parce que ça veut dire que les spectateurs s'en rendent compte, le comédien s'en rend compte, mais qu'on fait comme si ça n'existait oui, pas. Oui. Et il n'y a rien de pire. Oui. Parce que ça crée une gêne. Et au contraire, si on relève et que ça dédramatise, s'il y a des retardataires et qu'on fait comme oui, si ça peut gêner, oui. quoi. Oh. Et les gens sont gênés, etc. Mais si on leur dit, oh ben ça va, tranquille, vous avez un déficit de RER, quelque chose, quoi. Là, déjà là, ça... Et les gens, ça... C'est ça. Rient, quoi. Ils aiment exactement. Ça. Ils aiment ça. Et d'ailleurs, dans mes ateliers, quand les élèves, quand je leur dis avant le spectacle, je dis, vous inquiétez pas, toutes vos erreurs et tous les petits problèmes qui vont arriver, c'est ça que vous allez retenir à la fin. Parce que c'est ça qui est le plus savoureux, en fait. Parce que ce que tu réussis, bon, c'est bien, t'es content, t'as bien travaillé, t'as fait ton truc, c'est parfait. Ok. Mais ce qui est fort, c'est quand il t'arrive un impondérable, un accident, et que tu gères avec tes camarades. Et que hop, hop, hop, on se regarde et on oublie le texte, l'autre te rattrape. Ou alors tu dis un truc qui n'est pas prévu, ça déstabilise et que l'autre rattrape et que ça se voit pas. Là, c'est du tivin, quoi, ben, du ben, tilet. C'est de là que vient le jeu, mais c'est pas un jeu, c'est la nécessité. Hors micro, tu disais que tu t'es pointé à Montréal pour devenir comédien. Non, pour peaufiner le travail de comédien. Ben, j'avais un ami musicien qui m'a invité là-bas, oui, oui, à Montréal. Martin Dubreuil, okay. qui est un Québécois amoureux du Québec. Okay. Mais comme tous les Québécois, ouais, normalement. Et je suis allée 3 semaines à Montréal, okay. J'ai adoré la ville. Et j'ai passé le concours pour entrer à l'école LUCAM. Oui. Et ils ont été très bienveillants avec moi, ils m'ont posé beaucoup de questions. Et comme c'est vrai que j'avais déjà une bonne expérience professionnelle, ils m'ont dit, ils m'ont conseillé de ne pas faire cette école-là parce que c'est une formation et que, bon, là, je pouvais déjà travailler. Et Willem Keras, d'ailleurs, m'avait formé à ce concours, qui est lui aussi un grand monsieur du théâtre qui a une école à Arles de théâtre. Et c'est marrant, on en parlait il y a 2 jours, hier, avant-hier, ouais. On en parlait, là. C'est pour ça que je m'en souviens, mais j'avais oublié complètement. Ouais. Et puis, puis au Québec, je voulais prendre ma double nationalité, je voulais partir là-bas. J'étais vraiment tombée amoureuse de ce pays, quoi, du Canada. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es revenue? C'est que les circonstances ont fait que tu as été... Oui, finalement, j'ai continué mes études en me disant, bah, j'irai un jour, j'irai là-bas. Tu as vu ça en veilleux, mais ça n'a jamais été terminé non plus. Non. Et aujourd'hui, au théâtre, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que tu sens que tu fais ton chemin? Ou que le créneau commence à se former? Oui. Oui. Oui, parce que quand j'étais instite, un truc absolument incroyable, c'est que la grande inspectrice, je ne donnerai pas son nom, mais la grande inspectrice du secteur, donc la chef de tous les inspecteurs, m'a un peu pris sous son aile et elle m'a dit « Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors j'ai dit « Bon, ben, puisque vous ne voulez pas me titulariser, je vais redevenir comédienne et voilà. » Et en fait, elle m'a permis pendant 5 mois de travailler, de jouer pour récupérer mon statut et d'avoir des classes, d'aider dans les classes, de continuer mes ateliers, parce qu'il y a aussi une partie où j'enseigne. Enfin, et quand j'ai arrêté d'être un style, du coup, j'enseigne le théâtre, et j'ai pu récupérer mon statut très vite, parce que j'ai joué à Lille sur une comédie pendant 4 mois. Donc du jeudi au dimanche, j'allais là-bas, et début de semaine, j'étais à Paris pour l'école et les ateliers. Je travaillais tous les jours. et c'est ce qui te permet aussi de rentrer un peu d'argent dans le compte là-bas. Oui, et puis de récupérer mon statut d'intermittent, ce qui fait qu'on peut vivre avec ce statut. C'est difficile, mais on peut y arriver. Et ensuite, donc, j'ai enseigné, et ben là, par exemple, je pars à Avignon sur un musée. Là, je fais un clown dans un musée. Donc je suis très contente. Est-ce que tu pars avec ta fille? Oui. Okay. Ah oui, je l'emmène. Je crois que tu pars demain, hein? Ce soir ou demain matin, okay. Oui. Okay. On va voir suivant la préparation. Et on part un mois, donc ça va être chouette. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, et là j'ai déjà du travail pour jusqu'en janvier 2017. À ta fille? Oui. Non, à Lille. Okay. Je travaille sur 2 pièces là-bas. Les ch'tis, ils sont super gentils aussi. Mais ça ressemble au Québec. Hein. Ouais, ils sont adorables. Et je fais de la mise en scène également. J'ai fait une mise en scène au Théâtre Montorgueil, là, de février à avril. Donc du fait, je diversifie énormément. J'aime beaucoup ça, faire plein de choses. Bon, après, il ne faut pas que j'en fasse trop, parce que au bout d'un moment, c'est difficile. Mais par exemple, cette année, j'avais 5 ateliers de théâtre, donc 5 spectacles à monter, au cours Clément et à l'espace Paul Valéry avec des enfants, où je fais du théâtre et de l'impro. Et puis la mise en scène que j'ai faite de février à avril au Théâtre Montorgueil, plus mes écritures de spectacle, plus la musique, voilà, l'improvisation. Ça fait beaucoup de choses. Mais en allant à Lille, est-ce que ta fille change d'école à chaque fois? Alors là, exceptionnellement, alors, si tu veux, on parlera de ma fille. On fera une parenthèse sur elle parce qu'on a énormément de choses à dire sur elle. Okay. Parce qu'elle est un petit peu... c'est quelque chose d'important. C'est voilà. Et elle vient avec moi à Lille aussi. Okay. Et en fait, cette année, elle va suivre les cours du CNED. Comme j'étais un STIT et qu'on peut donner les cours par correspondance, on fait une année exceptionnelle de CNED où on reçoit les cours et elle le fera comme ça. C'est moi qui lui donnerai les cours. Donc, elle n'ira pas à l'école. Non. Et ça se fera à la maison. Exactement. Et c'est toi encore. Moi et son père. Son père aussi. Et elle c'est a ton père, son père. Oui, son père, son c'est, papa. Toi, c'est ton père. Est-ce qu'il est comédien aussi? Non, okay. Pas du tout. Mais lui, il va te suivre aussi. Non, il apprendra à Paris et quand il l'aura avec elle, avec lui, pardon, il lui donnera les cours. Ouais. Okay. Mais elle va te suivre à lui. Oui. On fera moitié-moitié, elle vient un peu avec moi, il ira avec lui. Et puis pour elle, c'est pas trop... Ah oui, elle le réclame depuis une année, là. De prendre des cours à la maison. Ah oui, c'est un truc... Et t'es en deuxième... Parce que chez nous, c'est pas la même chose, là. Quoi? Sacha, si je parle de Sacha. Alors, ma fille Sacha... a la chance de tourner dans des longs métrages de cinéma. Okay. Et d'ailleurs, demain, c'est demain? Oui, c'est demain. Elle passe sur TF1, je crois. Où elle a un rôle dans une série française qui s'appelle Camping Paradis. Okay. Et elle a un joli petit rôle là-dedans. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné avec Jean-Pierre Mocky. Oui. C'est bien pris, ce Québécois, en fait. Ah bon, c'est vrai? Grave, oui, mais lui, il est spécial. Oh, ouais, c'est un personnage. Ouais, c'est ça. J'adore son cinéma. C'est un vrai personnage. Oui. Mais donc j'ai eu la chance de tourner avec lui sur 2 films. Ouais. Et entre-temps, il cherchait une petite fille caucasienne. Et j'ai proposé ma fille. Okay. Et en fait, donc elle a tourné avec Jean-Pierre Mocky. Suite à ça, elle a trouvé un agent. Il y a un agent qui s'est présenté à moi. Un des plus gros. Aux enfants, spécialisé, un des plus gros agents Paris pour enfants. Et en fait, elle a tourné dans plein de longs métrages depuis, régulièrement, un par an, pas plus. Je veux pas mais la c'est saturer. Pas facile, mais c'est pas facile de faire tourner un enfant parce que chez nous, il y a un règlement. Ah oui, oui. Ok, oui. Ici aussi. Hein. Ah oui, oui. Okay, okay. Très, très régulier. Au théâtre, il y a des doublures, t'es obligé d'être. Oui. Okay, moi, pareil, quand j'avais 12 ans, c'est vrai qu'il y avait la DAS, l'autorisation, les heures, etc. C'est très. Et elle aussi, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et moi, ça me prend du temps sur mon travail de l'accompagner, etc. Mais je me dis. Son père, est-ce que c'est. Et son père aussi, okay. Il l'accompagne. Mais je me dis, bon, c'est chouette, on sait jamais. Mais ça s'est fait tout seul. Vraiment, c'est pas moi qui ai forcé le truc, à lui faire des castings. Par exemple, la pub, je veux pas. Enfin, je cherche pas à ce qu'elle fasse autre chose. Pour moi, cinéma, je trouve que c'est très bien. Des jolis rôles. Et puis, c'est tout, quoi. C'est pas un objectif. Tant que ça lui plaît, je la soutiens. Tu casses pas un bras. Je vois ça. Est-ce que tu connais l'expression ? Je lui casse un bras. Oui, non, je lui casse pas un bras, ça veut dire que tu ne l'oublies pas. Forcé, ouais. Ok, okay. J'ai compris. Et c'est une expression québécoise, je pensais que c'était francophone, mais non, je viens de la France. Ouais, ouais, c'est québécois, ouais. Ok. On casse les pieds, nous, on dit. Ah oui, bah oui. On casse les pieds. Ah oui, et le fait que ta fille fasse le même boulot que toi, oui. Est-ce que ça te flatte? Ouais, ça... Ou si tu as peur parce que tu vois aussi ce qui va se passer? Oui, j'ai les deux. Oui, un petit peu. Mais je suis fière d'elle, etc. Mais quelquefois, peut-être un peu jalouse. I hate to see the sun go down. I hate to see the sun go down. For the gal I love, she done left this town. We were married in St. Louis, Mo. She was fine as wine and her eyes had a tender glow. But she spent all my money and said, Pop, you gotta go. St. Louis woman with the diamond rings leads the man around by apron strings. If it wasn't for powder and a store-bought hair, gal of mine wouldn't be nowhere, nowhere. Got the St. Louis blues and blue as I can be. Got the St. Louis blues, blue as I can be. That gal got a heart like a rock cast in the sea. If you wanna be my baby, you can't run around. If you wanna be my baby, you just can't run around. If you run around, baby, stop and lay my money down. Yeah! Mississippi River long, deep and wide. I got to find my baby on the other side. Take me back to St. Louis. Take me back to St. Louis. Take me back to St. Louis before I blow my top. Now she ain't good looking and she ain't so sweet, but a brand of loving just can't be beat. That's why I love her. Yes, I love my baby. I love that gal. Don't want nobody else. This is a change of the key. I may be small, my head may be losing hair. Yes, I may be small, my head may be losing hair. But my baby loves me cause she knows I ain't no square. But she's driving me crazy, don't know the time of day. Yes, she's driving me crazy, I don't know the time of day. I'm just 21 and already my hair is gray. So baby, I'm going back to old St. Louis town. Cause these doggone women sure can bring you down. I'm going, yes I'm going. I've got those St. Louis blues. Oh, and it's river and